Cette chronique est dédiée à la mémoire de Pierre Schaeffer. Bonjour, je suis Aimé Bonaparte, et j'aimerais aujourd'hui consacrer ma chronique à la distorsion de la réalité à laquelle l'on se trouve confronté lorsqu'on écoute la radio. En effet, les sons nous parviennent sans la représentation picturale de leurs origines. Tenez, pour illustrer mon propos, je vous propose un petit jeu. Ce son, par exemple. Savez-vous quel objet a provoqué ce son ? Je vous laisse y réfléchir pendant que l'artiste pataverien Sigmund Réal nous interprète l'international sur l'air de Comme d'habitude. Debout, les damnés de la terre, les forçats de la faim, c'est la lutte finale. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Coupons-nous et demain, du passé, faisons table rase, foules esclaves, êtes-vous, changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Merci, monsieur Réal. Alors, chers auditeurs, vous avez trouvé ? Vous savez quel objet a provoqué ce son ? Mais oui, il s'agissait bien évidemment d'un loup en plastique jaune avec une culotte bleue qui fait pouette-pouette lorsqu'on exerce une pression sur son ventre. Allez, un petit peu plus dur. Je vous propose maintenant de vous pencher sur l'origine de ce son. Vous n'avez pas encore trouvé ? Qu'à cela ne tienne, je vous propose de vous remuer les méninges en écoutant Sigmund Réal qui nous interprète « Je t'aime moi non plus » sur l'air de « Je t'aime moi non plus ». C'est à vous, Sigmund. Bonsoir, bonsoir et merci d'être venu aussi nombreux. Je vais vous interpréter « Je t'aime moi non plus » de mon grand ami Charles Gainsbourg. Je t'aime. Je t'aime. Moi non plus. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens. Tiens, t'auras du boudin. Encore merci, monsieur Réal. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous ne vous êtes pas laissé perturber par cette formidable interprétation et que vous avez trouvé l'origine de ce son. Vous n'avez pas trouvé ? Eh bien, il s'agissait tout simplement d'une souris sur laquelle j'ai cliqué plusieurs fois en face de mon micro. Mais une souris pas comme les autres, une souris sans fil, qui vous permet de commander votre ordinateur à distance. Allez, je vous propose de jouer encore une fois en écoutant ce dernier son. Vous pensez avoir trouvé ? Eh bien, je vous propose de découvrir la solution après avoir écouté Sigmund Réal qui lit le journal. Nouveaux horaires TAN Air hiver 2002-2003. Tiens donc. Les nouveaux horaires d'hiver 2002-2003 de la navette TAN Air reliant la gare SNCF et le centre-ville à l'aéroport international Nantes-Atlantique entreront en vigueur le dimanche 27 octobre et seront appliqués jusqu'au samedi 29 mars inclus. La fiche horaire TAN Air hiver 2002-2003 est mise gratuitement à la disposition de la clientèle dans les quatre espaces transport TAN, Commerce, Dalby, Beau Séjour, Pyrmil, ainsi que le hall de l'aéroport. Mais dans quel monde vit-on ? C'est une question certes intéressante, mais la question qui nous préoccupe tous est « Quel est donc ce son ?» Ah ah, vous vous êtes probablement mépris en pensant avoir la bonne réponse. Eh bien, ça n'est pas ce à quoi vous pensiez. Il s'agissait de mes deux mains jointes que je serrais l'une contre l'autre afin de chasser l'air qui se trouvait prisonnier entre mes deux paumes. Notre expérience est maintenant finie et j'espère qu'elle vous a appris à bien vous méfier de ce que vous entendez à la radio. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Sigmund Réal qui pète. Ah, je suis confus. Je pensais être seul.